Allô, allô, voilà. Ouais. Ok. Bon, ben, en fait, c'est dans le Technica, le dernier. Ouais, c'est signé par qui? C'est signé par Emmanuel Poncet, je crois. Emmanuel ouais. Poncet? Ouais. Enculé, c'était mon ancien avocat qui était viré. C'est vrai? Waouh. Putain, bah ça va, il est pas... Alors, je vais te le lire, ok? Ouais. Voilà. Alors, Alain Soral, l'exécuteur testiculaire. Après Evin Thomas, qu'il avait recruté à plusieurs reprises dans C'est mon choix en tant qu'invité, Ardisson s'est pris d'affection pour le psycho-killer Alain Soral. Ce quadra très énervé, pratiquant la technique du coup de poing, fut l'auteur remarqué de « Jusqu'où va-t-on descendre ?» Un pamphlet anti-tout, gay, Kaira, gauche, etc. Vendu contre toute attente à près de 80 000 exemplaires l'année dernière, un abécédaire néo-réac de gauche, prolongé récemment par Socrate à Saint-Tropez. À l'époque, la comédienne Anouk Aimé manque de quitter le plateau, de tout le monde en parle. Excusez-moi, mais je vais pas rester à côté de lui. Tellement la présence fébrile et les propos du grand rasé médiatique la terrorisent. Pop chérie, il faut dire à sa décharge que le frère de la comédienne Agnès Soral prend en otage depuis un moment les plateaux de télé, dont celui d'Ardisson avec un numéro bien rodé d'odieux macho en guerre contre les salopes, développé dans son premier livre « Sociologie du dragueur », désormais doublé d'une campagne politique contre les tapettes de gauche, ses sociotraites à la vulgate marxiste originelle dont il se fait l'unique exécuteur au sens strict. Ardisson retrouve chez ce dandy très 80s les poses excentriques de la période Palace, dont ce rôle fut l'un des animateurs. Le goût pour le dynamitage des élites et de la bonne conscience de gauche. Il a lancé un gros doigt d'honneur à Josiane Savigno sur le plateau de Campus, oulala, et un avis sûr dans son rapport hystérique aux meufs. Voilà. Ça va? Ouais, ça pourrait être pire. C'est super. Bon, ah ouais, je trouve ça super bien, moi. Ouais, donc c'est en fait un dossier sur... C'est par qui, tu m'as dit? Emmanuel Poncet? Ben, c'est Poncet. Ah ouais, mais non, c'est pas mon avocat, je dis que je comprends. Ah non, c'est le mec avec qui je suis en procès à Libé. Emmanuel Poncet. D'accord, donc il a écrit ça quoi dans le dernier. C'est une interview, je me rappelle, mais j'ai refusé parce qu'il m'avait fait c'est lui qui m'avait fait mon portrait dans Libé, ouais. Et moi j'ai fait un procès à Libé pour diffamation. Waouh, mais j'ai bien aimé ce portrait moi. Hein. Ouais, mais il avait mis que j'avais joué avec des croix gammées quand j'étais jeune et ça j'accepte pas, tu vois. D'accord, ce qui est complètement faux. Oui, bien sûr, c'est complètement faux. Ok. C'est un piège quoi, tu vois. Ouais. Pour faire chier quoi. D'accord, carrément ouais. Et c'en est où le procès? Justement, c'est en mois de mai là. D'accord. En cours quoi. Ok. Ça devait pas être même lui, si tu veux, c'est qu'on avait ses employeurs, là, enfin, Libé, parce qu'il est que pigiste, qui ont dû lui imposer de mettre ça dedans, tu vois. D'accord, carrément. Ouais, ouais, ouais, bon, c'est la guerre, c'est la Media Nostra. Politique, quoi. Ouais, ouais. Bah moi je trouve ça super, moi en tant que lecteur comme ça, lambda, je trouve ça à ton avantage. Ouais, ouais, non. Vu le consensus chiant, mou, tu sais, encore une fois, du politiquement correct, hein. Moi je trouve ça très bien. C'est mon dernier bouquin, ouais. Ouais, bah ici non, mais c'est bien par rapport en fait au, en fait c'est les alter ego, les alliés en fait, de Thierry Ardisson. Il y a toi, il y a Thierry Messant, ouais. Il y a Laurent Baffy, ouais. Il y a Karen Mudler, je sais pas ce qu'elle fout là, c'est à cause du truc la dépression exercée, et Antoine Schuller que je ne connais pas. Ah oui, c'est un comique. Non, c'est pas. Bah je sais pas trop, j'ai pas trop. Alors Antoine Schuller. Ouais. Non, c'est un mec. Correspond pas à grand chose hein, par rapport à Ardisson, parce qu'en fait il aurait pu mettre Nab, tu vois. Ouais, et là, c'est vrai, ouais. Ouais, mais il est tricard Nab chez Tech. Ouais, bah ouais. Ouais, mais je croyais que j'étais tricard aussi, moi chez Technica. Et bah là, il y a une petite ouverture, et voilà quoi, t'es. Parle de toi, alors c'est cool. Bon, bah très bien. Je t'ai vu aussi sur le plateau de vie privée et vie publique. Ah ouais, l'émission de Eric Dumas, ouais. C'était pas mal, hein. Ouais, c'est marrant. Enfin, on avait enregistré ça il y a déjà un moment. Puis ça m'a permis de replacer mon bouquin en douce. Ouais. Je n'arrive pas. Je suis entièrement blackouté là pour le bouquin. C'est vrai, t'es blacklisté? Ah, un peu, ouais. Merde. Ah ouais. Ouais. T'as demandé à qui, en fait? Un agent qui te... J'ai demandé à tout le monde. Ouais. Et qui veulent pas, et même ceux qui voulaient... C'est trop chaud. Putain, ils sont nuls. Ils prennent pas de risques, quoi. Ah non. T'as demandé à qui, en fait hein? Ah, à tout le monde. Enfin, je veux dire, aux émissions littéraires, aux émissions de débat, tu vois. Aux... Ouais. Sérieux, quoi. Ouais. Ouais. T'es passé chez Ardisson, quand même. Ouais, j'ai fait Ardisson, qui m'invite... Bah ouais, mais j'ai fait Ardisson, LCI, les deux, trois mecs qui ont des couilles, quoi, tu vois. Ouais. Les deux, quoi, parce que j'ai fait ces deux émissions-là. Vermus, ouais, j'en ai fait trois, quoi. Ouais. Et ouais. Et donc qu'est-ce qui manque en fait? Il manquerait Guillaume Durand. Ouais, Guillaume un débat genre chez Moati ou chez ou chez Amar ou des trucs comme ça, des trucs que je devrais avoir normalement quand tu... Et ben tu vois, avec un article comme ça dans Tech, et ben ça peut te comment dire, te faire passer dans notre émission, parce qu'ils vont, parce que tu fais partie d'un profil, tu vois, de voilà, de... Ouais, je pense, ouais, bien sûr, ouais. Bah ouais, évidemment, ouais. T'es média, t'es, comment dire, tu fais partie des francs-tireurs, quoi, tu vois, qui n'ont pas peur de foutre la merde sur un plateau par sa présence et ses propos. Je trouve ça bien, moi. C'est note, d'ailleurs, c'est pour mon avocat, ça. Mais quoi ? Bah parce que je suis en procès avec ce mec-là, donc il continue à faire des articles sur moi. Ouais. C'est marrant, ça, c'est... J'ai le... Ouais, mais là, si tu veux, il te fait de la pub. Mais justement, la limite, ça... En fait, c'est Libération que tu dois faire. Tu dois faire un procès à Libé. Bah, c'est à Libé que je fais le procès. Je fais le procès journaliste. Ouais. Journal, mais... Alors, tu sais, c'est marrant parce que... C'est ce qu'on fait, là, c'est un one-to-one. Je t'appelle et j'enregistre la conversation. Et les premiers one-to-one, je l'ai fait avec un journaliste de Technicard qui s'appelle Olivier Stup. Tu connais pas ? Non. En fait, l'article de Poncé finit par... que tu as lancé un gros doigt d'honneur à Josiane Savigno. Ouais, ouais. Ouais. Et bon. Voilà. Et en fait, ah, t'es passé chez Durand, alors ? Je suis passé là pour le livre d'avant. Ah, ok, d'accord. Dernière. Ok. Et comment c'est passé avec Durand ? Ah, du coup... Il est très gentil, ouais. Il n'y a eu aucun problème. Et le problème, c'est que Josiane Savigno me parlait dans mon dos en disant blablabla, blablabla, parce que les gens n'entendent pas d'ailleurs dans l'émission, tu vois. Ouais. Elle a pas de micro. Donc, la télé n'entendait pas, mais les gens entendaient sur le plateau. Vous aimez peut-être le terme, mais qu'est-ce qu'il dit, alors que je disais en plus pas grand chose, hein, parce que j'étais invité à une émission avec des hardeurs. Ouais. J'avais pas grand chose à dire, parce que. C'était qui les hardeurs ? HPG, non ? HPG, bon, c'est pas méchant, tu vois. Ouais, petit off. Des sujets de. Et puis il y avait Ovidi, tu vois, pour moi, c'est des sujets de ringard de parler de hardeur aujourd'hui. Ouais. C'est pas, c'est valable en 73, 14. Ouais. Ouais. J'ai réfléchi sur le truc, ouais. Ouais. C'est Benazera, quoi, pour moi, mais depuis, c'est même pas. J'ai même pas envie, si tu veux, de. C'est casse-couille, ouais. Taguer là-dessus, quoi, tu vois. C'est vraiment un sujet d'arrière-garde. Alors en fait, donc Olivier Stup, journaliste à Tech, hein, a fait un coup ce mois-ci. Il a pris un article de Josiane Savigno, il l'a scanné tel quel, et pour Stup, en fait, il se présente comme le gonzo le plus loose de France, tu vois, donc une espèce d'ironie sur le statut de chroniqueur. Et il a pris un article de Savigno. Il a scanné et il a fait une correction, quoi. Dire, il a noté comme une vulgaire élève de CM2, quoi. C'est assez marrant, quoi. Et je vois que toi, t'as fait un doigt à Savigno. Et moi, j'ai crié un fuck au mec qui a écrit La face cachée du monde. Il était avec Bizot au Ola Café, parce qu'hier, c'était la grande nuit Nova. Ah ouais, je savais. Tu vois, moi, je suis allé et j'ai retrouvé. Et donc, je suis pas allé, mais. Ouais. Jean Rousseau m'avait appelé. Ouais, mais j'ai accompagné Jean Rousseau. Au café Clair de Lune, il mixait toute la nuit, c'était marrant. Et bref, moi je suis tombé sur un mec qui a fait un procès, qui l'attention, un pamphlet. Enfin, c'est assez marrant, quoi. Non, mais moi, Savigno, j'ai fait un doigt parce qu'elle commence à me gonfler, et puis du coup, elle s'est tue après parce que ça l'a un peu estomaqué. Ouais. Et après, on m'a dit, mais comment t'as pu faire un doigt à Savigno ? Tu connais Ouais. Pour moi, c'est personne, Savigno, j'ai jamais eu un papier dans le monde, tu vois. J'en aurais. C'est folle, surtout. Ouais. Elle est charmée, ouais, hystérique. C'est là que c'est Carson McCullers, c'est Virginia Woolf. Waouh! Ah ouais? McCullers, t'aimes pas? Bah, c'est pas grand chose, quoi. Ouais, putain. Il y avait d'autres choses dans la littérature, quand même. Ouais. De toute façon, c'est très. Tu connais Dorothy Parker? Non. C'est en fait le même axe, en fait. McCullers, Dorothy Parker et Virginia Woolf, ouais. On apprend sérieux, elle a juste du pouvoir. C'est un capot, quoi, tu vois. Ouais. C'est le flic du. Des lettres, quoi, tu vois. D'accord, ouais. La police des lettres, quoi, tu vois. C'est pas du même niveau que si elle avait été sous Joseph Staline, grande présidente de l'association des gens de lettres, révolutionnaires, marxistes-léninistes, tu vois. Elle aurait à peu près le même genre de position, c'est-à-dire beaucoup de pouvoir. Ouais. Il y a respect zéro derrière, quoi. Ouais. Mais bon, c'est pareil, ça, c'est enfoncé les portes ouvertes, tu veux dire. Ok. Et actuellement, j'ai pas lu Socrate, hein. Je l'ai pas lu. Ouais, je l'ai pas lu. Ouais, sur Casseur de Hype, il y a un casseur qui a scanné un texte par rapport aux pédophiles. Ah oui, un truc très très chaud, quoi. Un truc vraiment très hardcore. J'ai publié une lettre, j'ai publié justement avec pour mes amis de une interview d'un pédophile dans l'IB. Ouais. Et les lettres, une lettre du même pédophile, mais saisie par la police, où il écrit un autre pédophile. Et on voit la différence entre... Ce qui est passé dans l'IB. Ouais, où il dit en gros qu'on a le droit de faire l'amour avec des autres garçons de 14 ans et demi qui sont consentants. Ouais. Et puis dans la lettre, dans son courrier secret, c'est... Il dit, je vais t'envoyer des photos du gosse de 3 ans que j'ai violé dans la forêt. Ouais. Ouais. Et en fait, au niveau loi, est-ce qu'on a le droit de publier ce genre de... Le mec, il a fait de la tôle et ça a déjà été publié ailleurs. Ouais. Et puis de toute façon, au niveau loi, ce que je remarque, c'est que pour Socrate, comme pour le livre d'avant, j'ai jamais eu aucune attaque devant les tribunaux des mecs que j'allumais, tu vois. Ouais. Donc ils y vont pas au baston, tu vois. D'accord, ouais. Par contre, les gens qui m'invitent, les rares gens qui m'invitent, mon éditeur et le seul journal qui me fait travailler est dévasté par un commando d'Act Up. Tu peux te poser la question de cause à effet, tu vois. Ouais, tu bosses pour quel journal? J'ai longtemps pigé à 20 ans, tu vois. Ouais. Et comme par hasard, ils se sont fait casser par un commando d'Act Up, tu vois. Bon. D'accord. Moi, j'ai vachement aimé ce qui s'est passé avec Dustan, Eric Prémès et compagnie, Attribut. Je trouvais ça très bien. Je comprends pas que... Tu l'avais vu? Tu l'avais vu cette émission? Pas vu. Moi, je l'ai vu, je trouvais ça très bien. C'est lié à la fois, si tu veux, la propagande du ghetto gay et les flics du ghetto gay, tu vois. Ouais. Sur la ils font la police et sur la propagande. Et la propagande et la police, leur message, c'est-à-dire en gros, les gays sont des petits bourgeois responsables, ils votent socialistes et ils mettent toujours le préservatif, tu vois. Ouais. Ouais, ils financés par la mairie de Paris socialiste et le Parti socialiste pour passer ce genre de message, tu vois. Ouais. Donc c'est de la police communautaire. C'est un peu baiser avec une capote, avec un flingue sous la tempe, quoi. Bah, c'est une milice communautaire, tu vois. Ouais. Il peut y avoir des milices communautaires juives, tu vois. C'est le bêtard de la communauté gay, quoi, tu vois. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'ils n'en présentent qu'eux-mêmes. Ils font du tort aux homosexuels, tu vois. Mm-hmm. Bon, mais... Et à la tête d'Act Up, c'est Didier Lestrade, non? Non. Il n'a plus rien à voir, lui. Victoire Patouillard, elle s'appelle maintenant. C'est une hétérosexuelle non séropositive, parce qu'elle Ouais. D'ailleurs. Elle parle de ce qu'elle connaît. Donc, ouais, c'est clair. Tout ça, c'est misérable, hein. C'est microcosmique, tu vois. C'est, ouais. Et la France actuelle, quoi, c'est des petits combats tactiques, tu vois. Alors en fait, j'avais. Quand t'es passé chez Ardisson, j'ai noté une phrase qui n'a pas fait écho plus que ça, mais moi j'ai bien aimé. Et là, c'est assez symptomatique, c'est que le manque de talent donc a amené à un terrorisme communautaire, toi je me rappelle. Tu peux expliquer? C'est un truc que t'as dit chez Ardisson, mais bon, ils ont pas ricoché dessus, mais moi je trouve ça intéressant. Quand t'as aucun talent individuel, tu pourrais exister par le groupe, si tu veux, en t'associant avec d'autres médiocres de ta catégorie, ouais, pour faire pression. Tu ouais, vois. C'est ce que je fais, tu sais, c'est ce que je fais moi. C'est la différence entre Emmanuel Todd et Bernard Guéry, si on veut parler d'une autre communauté, tu vois. Mais moi, j'ai fait, comment dire, hein, tu sais, le site Casseur de Hype, ça représente complètement ce que tu viens de dire, quoi. Mais moi, je l'assume complètement, quoi. C'est-à-dire, je m'en tape. Tu vois, de toute façon, c'est une méthode qui est éprouvée, tu vois. Ouais. Moi, j'ai pas besoin de le faire parce que j'ai du talent, justement, mais si je savais pas, je ferais comme les autres. Je me grouperais avec d'autres mauvais, et je ferais pression, si tu veux, et j'essaierais de gagner des places, parce que la prime va toujours aux emmerdeurs, hein. Mais ça peut être une forme d'art, non? Parce que quand tu... Si on fait dans le paradoxe, c'est parce que toi, t'es encore dans une tranche d'âge où on s'amuse. Ouais. Et tu crois pas que les mecs d'Act Up, ou tu vois, ou les associations communautaires, quelles qu'elles soient, ils n'ont aucun humour, ils sont dans un... Ouais, d'accord, ouais. Moi, je mets ça en abîme, hein, tu sais. Ils essayent de choper des places, ils essayent de se rendre, tu vois, le communautarisme gay, ça débouche sur quoi? Sur un annuaire gay, tu vois. Ouais. Tu sais, on va mettre les plombiers qui aiment bien les gays, c'est du ghetto. Ouais, c'est du ghetto, quoi, tu vois. Et moi, ce que j'ai mis dans mon interview que j'ai donné dans 20 ans, là, c'est que quand il y a ghetto, le pogrom n'est pas loin. Faut pas oublier que regrouper des gens d'une communauté au même endroit, c'est le meilleur moyen de pouvoir tous les rafler le jour où un régime politique décide de les rafler. C'est clair. Ouais. Et de leur faire porter l'étoile, tu vois ce que je veux dire. Ouais, bien sûr. Ouais. Et c'est-à-dire que c'est une fausse sécurité, surtout une fausse liberté, hein. C'est un ghetto, faut voir ce que c'est historiquement, hein. Ouais. Tu vois, de penser que le ghetto c'est un progrès, tu vois, c'est une vision du monde très très régressive dans laquelle le ghetto serait un progrès, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui rêveraient de recréer le ghetto juif pour commencer, tu vois, le ghetto PD s'ils le veulent. Je peux te dire qu'un vieux réac classique serait très content qu'on remette des murs et qu'on refasse des ghettos, tu vois. Alors moi, ce que je suis étonné, c'est quand je dis aux gays enlever le triangle rose, aux juifs enlever les doigts jaunes, je me fais traiter de réac, tu vois. Ouais. À un moment donné, ils sont morts parce qu'on est obligé à les porter, tu vois. Tu sais que, en fait, dernièrement sur le web, j'ai balancé sous un pseudo et j'ai signé Novo Réac. Moi en fait, quand on dit que t'es Réac, qu'est-ce que tu assumes la posture et tu les emmerdes? Non, c'est de la dialectique. Ouais. Je sais pas, à la limite, j'assumerais si je trouvais ça rigolo parce que Solaire s'est persuadé qu'il y a que les Réacs qui ont du talent, mais en fait la réalité est inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a une énorme montée de la réaction. Ouais. C'est ça le truc en fait. C'est quand Welbeck. Très régressif, notamment le communautarisme, la fin de l'universalisme, l'obscurantisme, enfin tu vois, le tribalisme, enfin tous ces trucs-là. Et ceux qui résistent à ça, on les présente comme des Réacs. Ouais. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ceux qui défendent les ouvriers à gauche, on les présente comme des Réacs, et ceux qui défendent les TD comme des progressistes. Ouais. Sachant que les TD sont tous des rentiers petits bourgeois ou des employés du tertiaire dans des métiers très improductifs et très parasitaires comme la mode, tu vois, ou la com. Ouais. Il y a un parti de gauche qui s'appuie sur des petits bourgeois qui mettent en avant leurs pratiques sexuelles pour cacher qu'ils sont jamais que qu'une petite bourgeoisie montante. Mmh. Est-ce que ça, c'est pas réactionnaire, tu vois? Ouais. Donc ça l'est beaucoup plus, tu vois. Enfin, dans le même temps, on construit pas une place de crèche, tu vois, on augmente vertigineusement le prix de l'immobilier pour virer tous les pauvres de la ville, enfin, tu vois. Mmh. C'est ça qui se met. Mais le mot réac, ça vient d'où? Il y a une histoire. Ça vient des valeurs de la Révolution française, des valeurs humaines. Le réactionnaire, c'est celui qui s'oppose à l'accomplissement des Lumières que serait la Révolution française. D'accord. Tu vois, c'est Joseph de Maistre, Moi, j'ai pas. Ouais, en fait, c'est positif, en fait, à l'époque. C'est dans le texte aujourd'hui, tu vois, c'est les mecs qui sont contre le progressisme. Alors aujourd'hui, c'est plus facile parce qu'on voit que le progressisme a échoué comme projet dans pas mal de secteurs et que ça s'est pas si bien passé que c'est prévu. Donc des gens, tu vois, qui sur l'échec de l'URSS peuvent aujourd'hui jouer au réac. Parce qu'en fait, le progrès, en fait, l'ultime progrès, c'est le loft, quoi. Et être contre le loft, c'est plutôt simple. C'est-à-dire que le progressisme a été perverti, effectivement, que le progrès, c'est la libération sexuelle à outrance, donc les filles de 9 ans habillées en pute, allant au concert de Britney Spears, c'est ça le progrès, Et se roulant les pelles habillées à moitié en Asie, dans le quartier, comme le marais où il n'y a plus que, etc. Ouais. Et c'est ça le progressisme, ce qui n'a jamais été ça, d'ailleurs. Ouais. On a perverti le progressisme. Ouais. Bon, ça fiche réac, tu vois. Ouais. Mais bon, c'est pas réac. Ouais. Moi, je signe Novo Réac et je les emmerde. Ouais. Tu vois. Non, mais de toute façon, tout le monde est fier d'être nouveau réac. C'est vrai. Ceux qui étaient pas dans le. Si, il y a un bouquin qui est sorti. Ouais, je sais, ouais. Et moi, j'étais dedans d'ailleurs, mais ceux qui étaient pas dedans étaient très très vexés de pas y être. Ah. C'était classe, quoi. Ouais. C'était être sur la bonne liste, quoi, tu vois. Aujourd'hui. Mais moi, je suis plus pervers que ça. En fait, je suis vraiment progressiste. T'étais blacklisté par les anciens réac, quoi. Comment ? T'as été blacklisté par les anciens réacs. J'ai été blacklisté par les vrais réacs qui savent très bien où je veux en venir et qui font un parasitage systématique de mon message, qui passe assez bien auprès des gens intelligents. Hein. J'ai des lecteurs, Tu sais que moi, je t'ai remarqué sur un plateau et ça a pas fait une ligne de deux, quoi. J'ai dit, oula, ce mec-là, il est. Quelque part, même dans des endroits pas prévus, comme là où je t'ai rencontré d'ailleurs, qui était un vernissage de Frankie Boy. Tu vois, où c'était Frankie Boy, ouais. À la fête de Marie-France, j'ai plein de jeunes qui viennent me serrer la main en disant bravo pour ce que vous faites. Ouais. Ils comprennent très bien. Hein. Ouais. Tout le monde comprend. Ouais. Ceux qui vont s'en rendre pas comprendre, c'est ceux qui sont préposés aux commentaires par le régime, tu vois. Mm-hmm. C'est-à-dire les journalistes officiels, tu vois, qui comprennent bien, qui font leur boulot Des passeurs de soupe. Ah, ça, quoi, tu vois. Bah, ouais. Ils passent la soupe, quoi, ouais. C'est bon, quoi. Quand je t'ai demandé qu'est-ce que tu fais, tu m'as dit je suis un artiste conceptuel. Ouais. C'est assez intéressant parce que Welbeck aussi, il a écrit une phrase que j'ai beaucoup aimée qui m'a fait arrêter l'art contemporain, c'est la littérature est l'art conceptuel ultime. Bien sûr, hein. Ouais. Puisque là on s'embarrasse pas de bricolage pour illustrer le concept. Yes. Et on va au concept direct. C'est clair. Ouais. Moi d'ailleurs j'ai commencé par l'art contemporain, puisque j'ai fait les beaux-arts, j'ai tenu une galerie. Ça je savais pas. Ah oui, j'étais membre du groupe. Eh, mais tu connais Sylvana Lorenz alors? Non, mais ouais, dans les années 4, début des années 80. Ouais, mais elle a commencé les années 80, c'était une copine de Ben et dans les années 80. On est chez Ben à Nice. Tu m'as parlé, ouais. En avant comme avant. Ouais. Et t'es un bon pote à Jean Rouzeau, je crois. Ouais, parce que je le connais depuis très longtemps. Ouais, je t'ai vu à la galerie Maison Neuve pour le Love Hotel, qui était assez triste. C'est ça, l'art contemporain, là, c'est minable, parce qu'il n'y a pas beaucoup de la conceptuelle comme ça, il n'y a pas beaucoup de concepts, il n'y a pas beaucoup d'art, tu vois. Ouais. À un moment donné, faut choisir. Soit on fait de l'art. Moi, j'aime l'art pour le côté visuel, tu vois, mm-hmm. pour le beau. Et puis, le concept, c'est le concept. Mais quand le concept est faible et que du coup l'art est faible aussi, ça n'a pas d'intérêt, tu vois. C'est ni amusant, c'est ni beau ni amusant. Donc il y a pas, c'est rien, quoi, tu vois. est la dernière œuvre qui t'est marquée en fait? Dernière œuvre ouais. qui t'a marquée? Ouais. Tout confondu, hein, beauté, concept, littérature. Non, y a, mais là j'ai pas d'idée. T'as pas d'idée de. Enfin, je trouve un truc qui est moins mauvais que d'autres, quoi. Mm. Là, il y a un petit quelque chose, un peu d'authenticité, un peu de qualité, parce que le problème c'est. En art, c'est même la qualité, tu vois. Ouais. Même la qualité du foutage de gueule, hein. Et on s'en fout parce que du moment. La machine à merde, tu la connais, la machine à merde de Belgique, hein. Je me rappelle plus du nom de. En fait, c'est un mec qui a fait une. Qui a fait une machine à merde et ils vendent de la merde quoi. Mais c'est un truc élaboré, c'est pas Manzoni quoi, tu vois, c'est. Je veux bien, mais ça, tout ça, ça a été fait. Oui, je sais bien. Sociologique, ouais. Tu vois, dans les années. L'art sociologique, hein. Waouh. Ouais, il faut avoir un peu de culture. Tout. Yes. D'ailleurs, c'est ça le problème des mecs aujourd'hui qui veulent faire ce genre de truc, c'est que ça a été d'abord. Tout ça a été inscrit déjà dans la démarche d'Ada, tu vois, donc ça remonte aux années, tu vois, à la guerre de 14-18, tu vois. Ouais. Tout ça a été fait après par les surréalistes, tout ça a été fait après par le mouvement Fluxus, tu vois, voilà. Et tout ça a été fait par ce qu'on appelle l'avant-garde, tu vois, ça a été par l'art sociologique, ça a été fait, refait, refait. Ouais. Donc à un moment donné, faut, c'est comme les mecs qui répondent qui font du rock'n'roll, quoi, tu sais. Ouais. Ils bougent avec Elvis Presley en se jetant par terre, ils se rendent pas compte que ça remonte à 1955. Ouais. Mais on s'en fout un peu des racines tant qu'il y a les fruits qui poussent. Ouais, quand tu prétends être un créateur, faut que tu crées, ouais. Que ce soit nouveau, sinon tu vois. Ouais. Et sinon tu fais de la faute à copie, quoi, tu vois. Ouais. Et à ce moment-là, tu mérites pas le prestige d'un créateur si t'es pas créateur. Ouais, ouais. Passion. Alors qu'est-ce que tu faisais en fait quand t'étais au Beaux-Arts en fait, t'étais élève au Beaux-Arts? Alors bah, je me suis intéressé à l'histoire de l'art, ça m'a pas intéressé au concept, justement. Ouais. Et j'ai c'est ça, ouais. La philosophie. Ouais, ouais. Et j'ai laissé tomber les crayons et les pinceaux parce que ouais. Je me suis rendu compte que j'étais trop intellectuel entre guillemets, trop cérébral en nature pour perdre mon temps, si tu veux, dans une voie qui n'était pas strictement la mienne, tu vois, parce que il faut faire ce pourquoi on est vraiment bon. Et donc je me suis détaché de l'art pour aller vers le concept. Ouais. Donc en fait comme l'art et du concept. Oui, bah surtout. Donc la littérature, ouais. Et qu'est-ce que tu penses de la fonction de journalisme? Parce qu'en fait, le journaliste, quand il fait bien son boulot, c'est-à-dire qu'il se fout de l'objectivité, il écrit en fait. C'est une espèce d'écrivain de l'instantané. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, ça c'est un peu la définition du nouveau journalisme. Ouais. C'est pas la mienne. C'est pas la tienne, ouais. Moi, ce qui m'intéresse dans le journaliste, c'est quand il fait bien son boulot, c'est-à-dire qu'il fait une médiation entre des gens qui sont isolés et puis une réalité qui est complexe et qui permet aux gens de se tenir au courant de ce qui se passe ouais. pour le monde et de pouvoir... Ouais. Mais c'est impossible maintenant de pouvoir faire ce métier-là. Non, et pourquoi? Parce que le journalisme est devenu petit à petit un auxiliaire de la publicité. C'est ouais. Un auxiliaire du pouvoir, quoi. Ah, puis, par là, en fait, il y a la pub, tu vois, oui, bien sûr, du ouais. pouvoir, mais déjà, il y a la pub. Hein, ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les journaux ne vivent pas des lecteurs, mais vivent de la publicité. Il faut le savoir, c'est une réalité économique. Ouais, ouais. Donc dès lors, c'est ceux qui vendent la pub qui ont le pouvoir et qui imposent la ligne idéologique du journal. Et, ouais. Et le premier truc, c'est de ne pas choquer les annonceurs ouais. et d'être dans la ligne donc d'une consommation radieuse, tu vois, ouais. ou d'une petite critique de surface pour ouais. échange. Ouais. Tu vois, bon. Alors j'ai dit à des ouais. journalistes qui font un vrai travail de fond se retrouvent marginalisés. Ouais. Et, ouais. Il suffit avec un peu de perspective historique, de regarder ce que la presse était avant, dans les années 50, 60, 70, 80, l'évolution à partir des années 80, et ce qu'elle est aujourd'hui, avec le seul truc rassurant, c'est que ça vend plus, c'est-à-dire que les gens n'y croient plus, et les journaux se vendent très peu. Ouais, ouais. Bah ouais, parce que c'est parce que... Moi, je ouais, pardon ? C'est vrai que Technicard peut exister, parce que finalement, comme il n'y a plus aucun journal de référence, les jeunes peuvent se jeter, tu vois, sur un truc comme qui a l'air un petit peu indépendant. Ouais. Mais tu sais que la véritable indépendance du journaliste, ça se fait sur le web, hein. Ça c'est clair et net. Hein. Oui, ça c'est sûr. C'est clair et net. Hein. Là, il n'y a pas justement, ça passe pas par la pub. Ça voilà. Fait, ouais. Et ça coûte rien et la liberté sur le web. Là, ouais. Et que, Tu connais l'effet blog? Les blogs, en fait, ce sont des sites qui sont générés par des outils de publication. Ça s'appelle un blog. Et pendant la guerre en Irak, il y a eu des journalistes qui ont créé leur blog en annexe de leur maison d'édition, enfin leur maison mère quoi de. Mais c'est ouais. pas le. C'est-à-dire que c'est très individuel le internet, c'est sympa, mais tu consultes ça tout seul. Alors que dans le journal, il y avait des plusieurs autour du journal, c'est rien dans les lieux publics. Il faut pas oublier que l'origine du journal, c'est un mec qui lit un journal dans un café devant des tas de personnes. Hein, ouais. L'origine qui remonte au 18e siècle. Le problème d'internet, c'est un peu des trucs en solo, quoi, tu vois. Oui, mais tu sais, moi je pratique internet depuis 3 ans, Et je peux te dire qu'il y a vraiment un lien qui se crée entre les internautes. Oui. Et moi, j'ai vraiment créé une communauté. Je fais une heure par jour d'internet. Hein. Ouais. T'es obligé. Je réponds déjà. J'ai un site. Ouais. J'ai des gens qui m'écrivent. Je leur réponds. Je correspond avec des amis. On s'envoie des liens. Tu sais. Bien sûr. Ouais. Comme ça, je découvre des sites, etc. Ouais. Je vis tout ça, mais c'est vrai que tu fais ça tout seul chez toi quand même. Tu fais ça tout seul chez toi, ouais, mais ça, après tu retrouves. Après, bon, moi tu sais que je passe au moins 12 heures par jour, tu vois, sur le net, hein, et après je sors et je rencontre les gens avec qui j'ai communiqué pendant toute la journée, tu vois. Loin de Paris. Ouais, en fait je t'appelle d'où là ? Enfin, je t'appelle où ? Sur la côte basque. Sur la côte basque. D'accord, t'es face à l'océan Atlantique, j'ai dit des conneries, Pacifique. Bord de l'océan Atlantique, à la frontière espagnole. Ouais. Et t'y es en fait combien de temps t'es un tiers Je suis là, non, je suis là 20, au moins 20 jours par mois. Ah ouais, ok, ouais. D'accord. Ouais, c'est une semaine à Paris en moyenne, entre une semaine et 10 jours, ça dépend des périodes. D'accord. Pourquoi Jean Rouget t'invite pas à Nova, Radio Nova ? Il a fait une chronique à Nova là, sur mon dernier bouquin, ouais. Qui s'est bien passé d'ailleurs. Ouais. Il a un seul mec qui a voulu m'emmerder. Qui ? Un petit qui s'appelle Nicolas Saada. Oh là là, casse-couille celui-là. Il est un facho, et puis tout le petit personnel, c'est des magasins. Il est pédé, Saada, non ? Je pense, ça fait rien, c'est une merde. En fait, il a voulu faire le petit en me faisant foutre. Ouais, Nicolas Saada. Le personnel maghrébin, il a dit non, c'est un garçon très bien, ça aura, il défend les Palestiniens. Bravo. Et lui, comme visiblement, il défend plutôt le camp d'en face, il s'est replié dans son bureau, tu vois. Ouais. Il s'est retrouvé pris à son propre piège, tu vois. Ouais. Il a voulu appeler à faire un petit appel au lynchage, et puis ça s'est retourné contre lui, quoi. Ouais. Donc ça a été une petite victoire amusante, quoi. Ouais. Mais bon, c'est pas tout ça, c'est pas ces mecs-là, la Saada, qui ont un petit parcours cahier du cinéma, cinéphile. Il est très, très pseudo, Nicolas Saada, hein, très pseudo, je trouve. C'est rien, quoi. Ouais. Tu peux pas Et moi, je découvre. Il a tous les mains, tu vois. Ouais. Moi, j'aurais mal au dos. Ouais, c'est clair. Mais je découvre, moi, Jean Rouzeau depuis quelques temps. J'aime beaucoup ce mec. Ouais, ouais. Il est charmant, il est. Tu vois, c'est un vieux branché qui a bien vieilli. Ouais, exactement, ouais. C'est resté ouvert, honnête, ouais. Et frais. Parce que le principe de la branchitude, c'est la fraîcheur quand même. C'est que c'est des gens charmants. Ouais. Le principe de la débrancher, jusque dans les années 80, avec Edwige, tout ça, ils étaient charmants, ils étaient absolument pas méprisants, absolument pas. Ils n'avaient pas le dandisme aigre, tu vois. Ouais, ouais. Ils n'étaient pas comme les Wiesmann et tout ça, tu sais, qui sont des petits rameurs, tu vois, ils avaient le sens de l'acte gratuit. Ouais. Ils n'étaient pas de se faire payer pour animer des émissions de tourisme. Enfin, tu vois, ils avaient le sens de la gratuité comme Marie-France. C'est pour ça qu'ils sont rien devenus d'ailleurs. Ouais. Parce qu'ils passaient pas la caisse. En fait, ils sont devenus parce que, tu vois, avec le temps, Marie-France a fait un comeback assez beau, quoi, tu vois. 35 ans, je veux dire, elle a jamais monté un salon de coiffure, elle a jamais monté une ligne de soutien-gorge. Ouais, elle a pas fait de business, quoi. Oui, ils sont tous dans le business, tu vois. Ouais. Ils font des CD, ils font des machins. Je suis d'accord avec toi, ouais. Minable, quoi. C'est un peu minable, ouais. Parce qu'ils sont arrivés, ils n'ont pas connu le monde. Oui, mais toi aussi, tu fais du business, tu vends des bouquins, enfin, quoi. Les livres, c'est sacré. C'est de l'intelligence que je vends, tu vois. Je fais pas une compile, tu vois. Ouais. Je fais pas une compile de tubes des années 60. Ouais, des années 80 plutôt, pour des rêveurs, ringards, ouais. Tu vois, qui font des soirées, tu vois. Ça, je laisse ça. Ouais. Oh, non, c'est, faut pas. Attention, un livre, c'est pas une marchandise. Ça se vend, effectivement, mais quand tu lis mes bouquins, ça sent pas le. Ça sent pas la bricole. La bricole faite pour vendre, tu vois. Ouais. Sinon, sans un discours comme ça, effectivement, tout est marchandise, que tout se vend, donc ouais. Les gosses aussi, ça se vend, les pédophiles. Ouais. Non, mais ça, c'est pas. Je dis que c'est une marchandise, mais je ne prends pas de jugement sur la marchandise. Je fais la différence entre écrire des livres de sérieux et puis faire des compiles, tu vois, de ouais. BD, tu vois ce que je veux dire. D'accord, ouais. Comme Beck BD, quoi. Beck BD, il a fait sa compile dans les années 80. Il peut faire tout ça parce qu'il a fait un roman à un moment donné qui avait un petit peu de qualité, qui était sur sa vie de publicitaire passée, qui s'appelait 99 francs. Ouais, hein. Ouais. Il fallait qu'il fasse un truc quand même. Ce qui manque à Ariel Wiesmann pour parler de lui, contre qui j'ai rien, c'est qu'il a jamais rien fait, tu vois. Ouais. Il a jamais produit il a jamais créé un livre, un film, quelque chose qui puisse le faire changer de catégorie. Donc il est resté ce qu'on a fondamentalement un animateur. Ouais. Et puis après l'animateur fatigué, un peu ringard, parce que ça va très vite. Ouais, je sais bien. Ouais. Et tu vois. Ouais. Le problème c'est mecs-là, c'est qu'ils n'ont pas d'œuvre. Voilà, tu vois. Oui. Moi ce qui me sauve, parce qu'on peut dire tout le mal qu'on veut de mes prestations à la télé, bon, ouais. Chez Evelyne Thomas, c'est que j'ai une œuvre, tu vois, j'ai publié ouais. 7 bouquins déjà. C'est ça, ouais. Sacrément la route, tu vois. Ouais. Moi j'aime bien le concept d'artiste sans œuvre. Ouais, si tu veux, veut, mais tout ça, c'est des trucs un peu, c'est des paradoxes. Mais moi, oui. Le plus difficile, c'est le talent dans la vie. Hein. Ouais. Prétendre qu'on fait exprès de pas avoir du talent. Mais le talent, cette notion de talent, c'est assez, ça rentre dans une espèce de logique de best, de meilleur, de palme, etc., de panthéon, quoi. Oui, mais ça existe, tout ça, évidemment. Il y a Balzac, tu vois, il y a des meilleurs que d'autres. Hein. Il y a des grands mecs en bande dessinée, il y a des grands mecs en cinéma. La qualité... Tu connais Bartleby ? Non, non. Bartleby, c'est un personnage de la littérature... c'est une courte nouvelle de Melville, hein, l'auteur de Moby Dick. Ouais, et Bartleby, je t'invite à lire, c'est un personnage qui dit je ne préfère ne pas. C'est une posture, c'est une posture de dandy en fait. Et ça existe chez Gide, ça existe, enfin dire ça oui. Mais ça se défend conceptuellement. Et t'imagines bien que c'est devenu la tarte à la crème de tous les gens qui savent rien faire, tu vois. Ouais, mais bon. Un mec qui arrête d'écrire après avoir écrit des bons livres, ça n'a pas le même sens qu'un mec qui en a jamais écrit, tu vois ce que je veux dire. Ouais. D'abord, quand t'as prouvé ton talent, après tu peux prétendre arrêter, tu vois, c'est ce que ont fait certains grands mecs. Hein, si je me réfère même au grand philosophe marxiste Lukács, il a arrêté d'écrire des livres pendant 15 ou 20 ans pour laisser la révolution soviétique s'accomplir sans la critiquer, pour lui donner sa chance. Puis après, il s'est remis à écrire dans les années 50. Ouais. Là, il a laissé un trou entre 30 et 50. Voilà. D'accord. Ouais. Magnifique, mais entre temps, avant et après, il a écrit des bouquins balèzes, tu vois. Ouais. Enfin, moi, pour revenir à Elvis Mann, il a quand même fait un bon truc. Ça s'appelle le Grand Popo Football Club. Non, moi, je trouve qu'il a fait un bon truc. C'était la grosse boule. Hein. C'est une très bonne émission. Ouais. Mais bon, ça reste de l'animation, tu vois ce que je veux dire. Et moi, je crois, je suis un classique, hein, je vois aux œuvres, je crois qu'il y a des livres qui sont des livres. Ouais, mais chacun son taf, quoi, tu vois, tout le monde ne peut pas être un artiste à œuvre confirmé. Bien sûr, c'est pour ça qu'il faut respecter ceux qui en sont, exactement, c'est que tout le monde ne peut pas, c'est très difficile. Ça. Ouais, mais qu'est-ce que tu penses de l'iconoclasme? Par exemple, ces artistes confirmés, ces grandes... L'iconoclasme, c'est une remise... L'iconoclasme travaille au travail, au Panthéon également, c'est casser les fausses idoles d'une certaine manière, tu vois. C'est casser les... Ouais, donc... Le réaliste, il disait ça c'est mieux que ça, tu vois ce que je veux dire. Il essayait de trouver des nouvelles, il disait, il découvrait l'autre et amont pour essayer de foutre à la poubelle. Ouais, je suis d'accord. De Heredia, tu vois. Je suis d'accord. De rien, il cherchait toujours. Oui, c'est une stratégie. Où était la qualité. Ouais. Bon, de toute façon, il n'y a rien d'autre dans la critique. Ouais. C'est de te dire, ça c'est vraiment bien, ça c'est pas vraiment bien. Ouais. Tu vois, moi je fais quand je dis Emmanuel Todd c'est bien, et dans la vie c'est de la merde. Ouais. Si tu me dis tout ça n'a pas d'importance, c'est pas vrai. Ça serait profondément immoral de te dire que finalement c'est équivalent dans la vie Emmanuel Todd. À moins que tu sois complètement nihiliste. Oui, mais moi je suis pas nihiliste. D'accord. Les nihilistes, j'ai trop bien marré parce que le jour où vraiment le néant leur tombe dessus, en général, là ils se mettent à pleurer comme des petits enfants, tu vois. Ouais. Le nihilisme. C'est la mort, quoi. C'est la maladie, la mort. La mort, la misère, la persécution. Il y a des grands nihilistes quand même. Tu vois, moi ce que je veux aussi faire référence, c'est à ces hommes, tu vois, ou ces femmes qui ont été vraiment nihilistes jusqu'au bout. Oui, bah très bien. Comme Jacques Rigaud. Voilà, oui, mais il est mort. Oui, il est mort, oui. Bah oui, mais ça, si tu veux, au niveau de couilles mentales. J'ai rien contre, mais moi, j'ai rien contre les gens qui suicident. Ce qui m'emmerde, c'est les gens qui font l'éloge du suicide, mais qui crèvent à 90 ans, tu vois. Ouais. Mais j'aime bien les losers, moi. J'aime bien les losers. C'est une figure aussi qui est... Je suis pas passé à la télé, donc moi, je prétends pas que je suis un loser, alors que je me bats pour exister, tu vois. Ouais. Je suis pas dans la contradiction, ni dans le paradoxe facile. J'assume ce que je suis, tu vois. Ouais. J'essaie d'écrire des bons livres, j'essaie d'exister. Ouais. Là, je vais devoir y aller, si vous avez déjeuné, mon gars. Écoute, pas de problème. On a 45 minutes. Ouais. Je vais fractionner ça sur le web, et ça va être bientôt sur parici.com, que tu connais. Ouais, ouais. Ah, et puis, je connais plein qui vont être contents. Je regarde. Et puis... T'as mon email, de toute façon. Ouais, j'ai ton email. Et puis, on va continuer. Ça te dérangerait pas de continuer? Tu me rappelleras, mais là... C'est là que je fais des one-to-one, c'est des séries, c'est cyclique, quoi. Ouais, bah, rappelle-moi, mais là, j'aille manger, et après, il faut que j'aille à Bordeaux, tu vois. D'accord, je te rappelle quand? Quand tu es au dispo. En fait, je prends au hasard, et puis... ça marche. Ou à ce moment-là, tu vois, on peut rendez-vous à une heure fixe, tu vois ce que je veux dire? Yes. D'accord. Je peux le dire, là. Ok. Ok, et bravo encore. Ok. Ciao.